Il y a bien longtemps, et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Le vieux sultan. Il était une fois un vieux chien de berger qui s'appelait Sultan. Il vivait dans une ferme avec ses maîtres. Sultan aimait beaucoup sa vie à la campagne. Il passait son temps à surveiller les moutons dans le pré, confortablement allongé au soleil. Il était un peu paresseux et ne courait plus très vite parce qu'il était très vieux. Mais il était tellement gentil. Un jour, le berger appela sa femme et lui dit à voix basse « Notre pauvre sultan me cause bien du tracas. Il a perdu presque toutes ses dents et ne nous sert plus à grand-chose. Il n'est même plus capable de courir derrière les moutons. Un vieux chien qui laisse jouer les papillons sur son nez, ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas de quoi impressionner un voleur. Je crois qu'il vaudrait mieux l'abattre d'un coup de fusil. Je le ferai demain matin. » En entendant ces cruelles paroles, la femme du berger se mit à pleurer. Elle pleura tellement que la laine qu'elle filait fut complètement détrempée par ses larmes. « Comment oses-tu dire une chose pareille? Comment peux-tu envisager de tuer notre bon sultan ? » dit-elle à son mari. « Il nous a loyalement servi durant de longues années. Nous avons le devoir de prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse. » « Tu n'es pas raisonnable. » répondit le berger. Sultan ne peut plus nous protéger, ni contre les loups, ni contre les voleurs qui rôdent dans la forêt. Je suis désolé, mais ma décision est prise. Demain, je mettrai fin à sa vie. Couché près de son maître, le vieux sultan avait tout entendu et il pleura tout l'après-midi. Mais dis donc, sultan, qu'est-ce qui t'arrive? Je nage dans tes larmes. Lui dit le papillon qui avait l'habitude de venir se poser sur son nez. Le pauvre sultan raconta au papillon l'horrible mort que son maître lui réservait. « Oh non, mon pauvre sultan !» gémit le papillon. « C'est une bien triste nouvelle pour moi et mes frères papillons. Nous ne retrouverons jamais un ami aussi gentil que toi. » Jusqu'à la tombée de la nuit, Sultan fit les 100 pas sur le chemin de la ferme. Son cœur était lourd de chagrin et il n'arrivait pas à se décider à rentrer se coucher au pied de son maître. « Je vais aller passer ma dernière nuit avec mon vieux copain le loup, » se dit-il. « Il me remontera peut-être le moral. » Et il se dirigea clopin-clopant vers la forêt. Le loup écouta son histoire, réfléchit longuement, puis s'écria. « J'ai une idée pour te sortir de là. Si tu suis bien mes conseils, tu pourras même devenir un héros. Voici mon plan. Chaque matin, ton maître et sa femme partent travailler dans les champs avec leur bébé. Ils le couchent à l'ombre pendant qu'ils fauchent les blés. Imaginons maintenant que j'arrive, moi le loup. J'emporte la petite et l'abandonne dans la forêt. Il te suffira de venir la chercher pour la ramener à ses parents et tu seras un héros. Ton maître et sa femme te seront tellement reconnaissants d'avoir sauvé la vie de leur petite fille qu'ils te garderont avec eux toute la vie. Je pense que c'est une excellente idée, répondit Sultan en agitant la queue de joie. Mais promets-moi de ne faire aucun mal à la petite. Mon maître l'adore, et si jamais il arrivait quoi que ce soit, il ne me pardonnerait pas. C'est promis, jura le loup. Le lendemain matin, Sultan et le loup mirent leur plan à exécution. Pendant que le berger et sa femme travaillaient dans les champs, le loup emporta tout doucement le bébé dans sa gueule et s'enfuit dans la forêt. « Au secours ! Au secours ! » hurla la bergère. « Sultan, vite, rattrape ce loup !» cria le berger. Clopin clopant, le vieux sultan fonça sur les traces du loup en reniflant et en aboyant comme un diable. Pendant ce temps, la petite fille prit peur et se mit à pleurer. Elle n'avait pourtant aucune raison d'avoir peur. Le loup la traitait avec douceur et faisait très attention de ne pas la perdre ou de la mordre. Il cheminait lentement pour laisser à Sultan le temps de le rattraper. Une fois arrivé dans la forêt, il déposa doucement le bébé dans l'herbe et lui parla gentiment. « Ne pleure pas, petite fille, tu n'as pas à avoir peur de moi. » « Quand tu seras grande, tu comprendras que nous avons sauvé la vie de Sultan. Tu passeras des heures heureuses à jouer avec lui, tu verras, c'est le plus gentil chien du monde. » La petite fille se calma et fit un sourire à travers ses larmes. Sultan la prit alors très délicatement dans sa gueule et la ramena chez ses parents. En le voyant arriver avec leur bébé, le berger et sa femme se mirent à danser dans les champs. « Comment pouvons-nous te remercier, mon brave sultan ?» dit le berger. « Femme, prépare un dîner de roi pour notre courageux chien de garde. » Maintenant, retourne la cassette. Aucun chien ne fut jamais aussi gâté que Sultan ce jour-là. La bergère lui servit un succulent bouillon aux os. Le berger courut en ville acheter un nouveau panier et un énorme oreiller pour que Sultan soit installé confortablement. Tout l'après-midi, le vieux chien fut couvert de baisers et de câlins. Tombé de la nuit, il partit dans la forêt pour remercier son ami le loup de sa brillante idée. Je suis heureux que tu sois venu me remercier, mon vieux sultan, lui dit le loup en sortant de sa tanière. Je sais que tu n'es pas un ingrat et que tu te doutes que maintenant, c'est à toi de me rendre un service. Je t'écoute, répondit Sultan. « Après tout, c'est un prêté pour un rendu, n'est-ce pas ?»« Voilà, c'est très simple en vérité, » dit le loup. « Depuis un moment déjà, j'ai une énorme envie de goûter un des appétissants moutons de ton maître. Tout ce que je te demande, c'est de fermer les yeux quand je viendrai voler un mouton au berger. » « Ne sois pas sot, tu sais très bien que je ne peux pas désobéir à mon maître !» s'écria le vieux sultan. Mais le loup pensa que Sultan plaisantait. Et le soir même, il se dirigea, à pas de loup, vers la bergerie pour voler un mouton. Malgré son grand âge, Sultan avait encore l'ouïe fine et il entendit le loup approcher. Aussitôt, en bon chien de berger, il avertit son maître en aboyant furieusement. Au moment précis où le loup allait s'en prendre à un mouton, le berger surgit derrière lui avec une grande cravache. Terrifié, le loup s'enfuit dans la forêt. Il était vexé et grinçait des dents. Ce chien ne méritait pas mon amitié. Il m'a joué un mauvais tour, mais je vais me venger. Alors le loup courut chez son vieux copain le sanglier pour lui demander d'aller dire à Sultan qu'il le défiait en combat dans la forêt. Sultan ne voulut pas passer pour un lâche et accepta. Il se rendit donc sur le lieu du duel, accompagné du chat de la ferme. Le pauvre chat était aussi vieux que Sultan, et de surcroît, il n'avait plus que trois pattes et boitait péniblement. Dans la forêt, le loup et le sanglier attendaient Sultan de pied ferme. Mais la première chose qu'ils aperçurent au loin fut la longue queue du chat tendue toute droite en l'air. Elle était tellement raide qu'elle ressemblait à une terrifiante épée. Pire encore, à chaque fois que le chat boitait, les autres pensaient qu'il ramassait des pierres. Tu as vu ça ? Dit le loup en tremblant. Sultan arrive avec une épée et des pierres pour nous attaquer ! Effrayés, le loup et le sanglier sentirent leur courage s'envoler. Finalement, je crois que je n'ai plus tellement envie de me battre !» grogna le sanglier en tournant en rond à la recherche d'une cachette. Il aperçut un gros tas de feuilles et d'un bond courut se cacher dessous. Le loup, qui avait peur d'affronter ses ennemis tout seul, grimpa dans un arbre en priant pour que le chien et le chat passent leur chemin sans le voir. Où sont-ils ? Je suis pourtant sûr que nous sommes au bon endroit, dit Sultan en arrivant. Au même moment, on entendit un bruit dans les fourrés. Le sanglier n'était pas bien caché et une de ses oreilles dépassait sous les feuilles. Croyant qu'il s'agissait d'une souris, hop ! Le chat y donna un grand coup de dent. Cria le sanglier en sortant de sa cachette. Regardez dans l'arbre, vous y trouverez celui que vous cherchez, hurla-t-il en s'enfuyant. Lorsque Sultan et le chat virent le loup assis sur une branche, ils éclatèrent de rire. Monsieur le loup, ce n'est pas le courage qui t'étouffe. On dirait que tu as peur de nous. Descends de là et montre-toi si tu oses. Sinon, nous secourons l'arbre jusqu'à ce que tu en tombes. Non! Non, de grâce, ne me faites pas tomber, je vais descendre tout de suite, répondit le loup. Quand il aperçut le vieux sultan avec le peu de dents qui lui restait dans la bouche et le chat à trois pattes, le loup fut honteux et confus. Je me suis mal conduit. Comment ai-je pu traiter si méchamment des amis si chers ? Pleurnicha-t-il. Pourrez-vous jamais me pardonner ? Oh, nous ne sommes pas rancuniers, répondit Sultan. Bien sûr que nous te pardonnons, mais à une condition. Jure de ne plus me défier en duel et de ne plus jamais voler de moutons. Parole d'honneur, c'est juré, dit le loup. Il tint parole. Et depuis lors, le chat, le chien, le loup et le sanglier sont restés bons amis. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire des voyages de Gulliver.